Chapitre 8 Exploration du fleuve Saint-Laurent. Les Iroquois du lac Champlain étaient soumis. Le gouvernement songea à s'assujettir les tribus iroquoises du lac Ontario, et il voulait aussi tendre la main aux peuplades nombreuses de l'Ouest, qui étaient favorables à la France. À partir de ce moment, les voyageurs français remontèrent le Saint-Laurent et allèrent commercer sur les bords des grands lacs, comme au Mantet, Louvigny, Duluth, Nicolas Perrot, qui en 1671, au Sault Sainte-Marie, réunit 14 nations et obtint d'elles qu'elles se mettraient sous la protection du roi de France. En même temps, les gouverneurs conduisaient des troupes et fondaient plusieurs établissements sur le parcours du fleuve. Dans ces expéditions, Charles le Moine était toujours employé comme intermédiaire avec les peuples sauvages, qui avaient la plus haute considération pour lui. De 1670 à 1680, il accompagna les gouverneurs M. de Courcelles, M. de Frontenac et enfin M. de La Barre. En 1671, M. de Courcelles, voulant imposer aux Iroquois, décida d'aller les rencontrer au lac Ontario, que les Français nommaient alors le lac de Tracy, du nom du commandant des troupes. Il était accompagné de M. de Varennes, gouverneur des Trois-Rivières, de M. Perrot, nouveau gouverneur de Montréal, enfin de M. Lemoine. Il voulut que le curé de Montréal, M. Dollier de Casson, fît partie de l'expédition. Il le choisit à cause de sa connaissance du pays. M. Dollier y consentit, et c'est lui qui est l'auteur de la relation qui a été publiée de ce voyage. M. Dollier nous dit que plusieurs jeunes gentilshommes accompagnaient l'expédition, d'où quelques-uns ont conclu ce que pouvaient être les enfants de M. Lemoine, de M. Lebert et de M. de Montigny, qui étaient de même âge et toujours ensemble. On partit le 2 juin 1671, avec une vingtaine de canots. Il y avait à bord des tambours et des clairons pour donner les signaux. Ces instruments de fanfare animaient les canotiers et firent un effet merveilleux sur les sauvages. M. Dollier a donné, en commençant, une description du fleuve Saint-Laurent qui montre que dès lors, on avait une connaissance assez exacte du pays. Nous en citerons quelques points. Le fleuve Saint-Laurent est l'un des plus grands fleuves du monde, puisqu'à son embouchure, situé vers le 50e degré de latitude, après une course de 700 lieues, il a près de 30 lieues de largeur. Il se rétrécit par l'espace de 150 lieues jusqu'à Québec, où il a près d'une lieue. Et il conserve cette dimension non seulement jusqu'à Montréal, à 60 lieues plus haut, mais même par l'espace de 500 lieues, s'étendant tantôt en des lacs d'une épouvantable largeur, tantôt se rétrécissant dans le lit d'une rivière, mais au moins de la dimension que nous avons dite. Le premier lac a 33 lieues au-dessus de Québec, et le lac Saint-Pierre, de 11 lieues sur 3. Le second, le lac Saint-Louis, de 7 lieues sur 2. Le troisième, le lac Saint-François, de 10 lieues sur 2. Ensuite arrivent ces lacs d'une épouvantable largeur, grands comme certaines mers en Europe. Le lac Ontario, le lac Érié, le lac Huron, et enfin le plus grand de tous, le lac Supérieur, qui a 190 lieues sur 50 et reçoit 12 grandes rivières, qu'il faudrait explorer jusqu'au bout pour trouver la source du grand fleuve. Or, dans tout ce parcours, il y a des particularités dignes de remarque. Toutes les eaux du nord comprises entre les hauteurs du Mississippi et le faîte des terres opposées à la baie d'Hudson sont inclinées vers le sud et portées à un même centre situé à 1600 pieds au-dessus du niveau de la mer et ayant près de 300 lieues de diamètre. Il y a près de 60 affluents qui descendent 900 pieds plus bas et au fond de cette coupe immense se trouve le lac Supérieur. Ces premiers affluents, dont quelques-uns sont énormes, comme le Saint-Louis, le Kaministiquia et le Nipigon, se concentrent d'abord en plusieurs lacs, comme le Nipigon, qui a 25 lieues de longueur, puis ils sortent de ces lacs et continuent leur cours sur une étendue de 10 lieues et vont se jeter dans le lac Supérieur, qui mesure, comme nous l'avons dit, 190 lieues de longueur. Mais ce n'est là que le commencement des merveilles. Ces contrées, pendant l'hiver, sont ensevelis sous les neiges et les frimas. Les cours d'eau gèlent à près de 10 pieds de profondeur. Les neiges tombent incessamment et s'accumulent comme des montagnes de glace. Toute cette étendue est ensevelie sous les brouillards, et souvent des ouragans en bouleversent la superficie jusqu'à l'approche du printemps. Alors la température s'adoucit, ces amas se désagrègent, les eaux s'écoulent, mais tout est réglé par la nature avec une économie admirable. Les terrains, depuis le point de départ jusqu'aux rives de l'océan, sont disposés en différents étages, et ils présentent l'aspect d'une immense pyramide, dont chaque degré renferme des bassins grands comme des mers. Ces bassins superposés se déversent les uns dans les autres par des chutes, des cataractes et des rapides, qui, moins élevés, sont cependant presque infranchissables. Au milieu de ces mouvements des eaux, le grand fleuve conserve une admirable transparence et une pureté d'eau de roche continuée jusqu'à la mer. Voici l'énumération de ces merveilleux mouvements. Les premiers affluents descendent de près de 1000 pieds et arrivent au lac supérieur. Celui-ci, situé à 625 pieds au-dessus de la mer, avec sa masse immense, franchit un second degré et descend par le sceau Sainte-Marie, qui a 1000 pieds de largeur. Cette grande nappe d'eau s'en va s'épanouir en trois bassins, le lac Michigan, le lac Huron et la baie Georgienne. Ces bassins sont d'une immense étendue, de 100 lieues sur 50. Le fleuve continue son cours en recueillant plusieurs affluents. Il descend ensuite par la rivière de Détroit, qui a 2000 pieds de largeur. Ensuite se présente le lac Erie, de 90 lieues sur 45, et à son extrémité sud, il se précipite comme tout entier à 140 pieds de profondeur sur 3000 pieds de largeur, à Niagara, dans le lac Ontario, qui est encore à 225 pieds au-dessus du niveau de la mer. Ces 225 pieds sont représentés jusqu'à Montréal par plusieurs rapides ainsi nommés les Galops, le Long Sault, les Cèdres, et enfin le sceau Saint-Louis, qui a près de 20 pieds de hauteur, où se trouvent les derniers degrés de cette pyramide de 1600 pieds de hauteur que nous venons de parcourir. Le fleuve reçoit alors d'immenses affluents, l'Ottawa, le Richelieu, le Saint-Maurice, l'Yamaska, le Saguenay, de 3000 pieds de largeur, après lequel le grand fleuve atteint 10 lieues, puis 20 lieues, puis 30 lieues de largeur en arrivant à la mer. Le bateau du gouverneur était d'une grande dimension. Les sauvages furent au dernier degré d'étonnement en voyant les Français manœuvrer un si grand bâtiment. Ils savaient le sortir de l'eau en un instant et le porter au-delà des rapides avec une remarquable facilité. Monsieur Lemoine rendit les plus grands services et sut faire valoir près des sauvages l'effroi que leur inspirait la force et l'audace des Français. Aussi les sauvages n'osèrent pas attaquer le gouverneur à l'aller ni au retour. En 1673, 2 ans après, nous dit Monsieur Delier de Casson, Monsieur de Frontenac, le nouveau gouverneur voulut faire le même voyage, et il emmena avec lui Monsieur Lemoine, qui devait lui être du plus grand secours. Monsieur Lemoine pouvait s'assurer des dispositions des sauvages, et ainsi il faisait éviter tout malentendu. Nous le verrons ci-après. Monsieur de Frontenac arriva à Montréal vers le 20 juin 1673. Il fut reçu en grande pompe par le clergé et par la garnison avec le gouverneur Perrault, qui devait l'accompagner. Il assista le 24 juin à la messe à l'église paroissiale. C'était le jour de Saint Jean-Baptiste, patron du pays, et du ministre Colbert. Le gouverneur fut complimenté dans le sermon donné par Monsieur de Fénelon. Le lendemain, il partit avec 400 hommes et 100 canots. Il avait en outre deux grandes berges ornées de couleurs éclatantes pour frapper, disait-il, les sauvages. C'est pour la même raison que son escorte était si nombreuse. Il avait avec lui trois prêtres, M. Delier de Casson, M. Durfay et M. de Fénelon, pour traiter avec les sauvages dont ils étaient les missionnaires. M. Lemoine reçut les sauvages et les présenta à M. de Frontenac. Il traduisit les allocutions et les réponses, et enfin, il était chargé d'amener chaque jour à la table du gouverneur deux ou trois des principaux parmi les Iroquois. Nous pensons que M. Lemoine avait avec lui ses fils, au moins les trois aînés, Charles, qui avait 19 ans, Jacques, qui avait 17 ans, et Pierre, âgé de près de 15 ans. M. de Frontenac, ayant reçu les Indiens, ceux-ci lui adressèrent un discours de bienvenue par un des principaux chefs, Garacontier. Ensuite, M. de Frontenac fit une réponse qui fut traduite par M. Lemoine. Les jours suivants furent employés à la construction d'un fort, où M. de Frontenac installa une garnison. Ensuite, le gouverneur revint à Ville-Marie avec ses troupes, et il continua à s'occuper de l'amélioration de son fort, qu'il confia l'année suivante à M. de La Salle, à qui il accorda une garnison de 40 soldats, destinée à protéger les marchands et les traitants qui se fixèrent autour du fort.